day， 笑我哭，笑我哭，笑我哭，笑我哭，笑我哭，笑我哭，笑我哭，笑我哭。 这波的波呀，我的楼房，俺家的楼啊，俺家的，俺我的楼，哦耶耶啊。这什么楼房，俺家的楼。 Shine on, crazy diamonds. Shine on. We'll be right back. automatic system. Human sister. Thank you. un truc comme ça. Quelques pelotes, car ici désormais, la demeure d'un cier. Il nous a quittés. Il est parti précipitamment. C'est normal.